Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport d'abord en parlant que les Saguenay de Chicoutimi vont recevoir la visite des Foreurs de Val-d'Or ce soir au centre Georges Vézina. Ils devraient avoir passablement de monde puisqu'il y aura une forte délégation des Jeux du Québec qui seront présents au centre Georges Vézina. Et bonne nouvelle également pour les partisans, Jimmy Rutsoff devrait être de retour au jeu. Maintenant, puisqu'il est question des Jeux du Québec, à noter que signe que ça approche à très grands pas, l'organisation des Jeux du Québec va lancer une tournée de la Flamme qui va s'arrêter dans 5 municipalités du 11 au 18 février prochain. La Flamme s'arrêtera dimanche à Roberval, au village sur glace, et il y aura également un tournoi de hockey pour enfants qui sera présenté. Et la tournée s'arrêtera aussi à Saint-Félicien, à l'école Monseigneur Buteau et à l'école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Sassigny mercredi prochain. Ligue Saint-Pélette, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, en catégorie Atome, les Éperons de Normandie ont gagné 6-1 sur les Condors d'Allemand. Et dans la catégorie Atome B, les Lynx d'Allemand ont défait les Sénateurs de Saint-Félicien 3-1. Et les Tritons d'Allemand ont gagné 3-1 également sur les Éperviers de Normandin. Et ça a été un bon succès la semaine dernière pour le match des Canadiens, la tournée des anciens Canadiens à Normandin. On sait que les profits allaient aux Chevaliers Colomb. On dit qu'environ de 10 à 12 000 $ ont été amassés en bonne œuvre pour la circonstance, explique Raymond Boivin, qui est évidemment bien content. Il aurait aimé avoir un peu plus de monde, par contre. On aurait aimé avoir encore un peu plus de personnes, mais il reste quand même qu'on est satisfait parce que ça nous a permis d'amasser pour nos bonnes œuvres un montant entre 10 et 12 000. Les calculs ne sont pas terminés au moment où on se parle. OK. Est-ce que c'est net? Donc, est-ce qu'on peut qualifier de net? Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec l'instructeur-chef des ambassadeurs de Chicoutimi, Michael Godreau. Et je me suis entretenu également avec Stéphane Lebeau. On parle évidemment du rendement du Canadien. Le Canadien qui est décevant depuis quelques temps. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.